Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec notre ami Pascal Jobin de la NBA. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, avant toute chose, je voulais revenir sur le March Madness avec notre ami avec Peter. Mais Peter, il n'y a tellement pas le temps d'être ici qu'on va le faire avec toi. On va parler de ce qui s'est passé au cours du week-end. Est-ce que tu es quand même... du côté de la NCAA, je suis content de voir que c'est pas Duke, c'est pas North Carolina, c'est pas Kentucky, c'est pas Louisville qu'on voyait. C'était des nouveautés, des nouvelles universités. Ben absolument. Écoute, deux bonnes universités, Texas Tech qui a surpris beaucoup de monde, qui s'est rendu en finale. Donc c'était leur première présence dans une finale nationale. Et Virginie aussi qui a quand même peut-être une meilleure fiche dans le March Madness que Texas Tech, mais qui n'avait jamais non plus gagné cet honneur-là. Donc, tu as deux équipes qui se sont trouvées en finale. Ça a été un match qui s'est terminé en prolongation avec la victoire de Virginie d'année vraiment exceptionnelle. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, l'Université de Virginie était classée numéro un. Ouais, et c'est la première fois dans l'histoire du March Madness qu'une université qui est classée numéro un, donc il y a quatre numéros un sur les 64 équipes, donc tu joues contre le 16e classement. Mmh. Ils avaient perdu. C'est la première fois qu'un numéro 16 battait un numéro 1. Et dans l'espace de un an, on a passé de un petit peu la risée au niveau universitaire à être champion national. Fait qu'on s'est bien, on s'est bien repris, mais on a passé d'être un petit peu une risée au niveau de historique par rapport à avoir perdu quand tu es supposé de gagner au moins ce match-là. À gagner le match national en l'espace d'un an. Donc, j'appelle ça un petit peu une rédemption. Ouais. Mais c'était toute une belle finale. Ça a été compétitif. Ça a été du beau basketball. Puis, j'ai adoré voir ça cette année. Puis, on parle de presque 80 000 personnes qui étaient là à l'aréna. Et puis, des codes d'écoute encore spectaculaires là, pour un mois de mars de basketball. Là, comme tu sais comment c'était populaire et comment c'est connu, mais pas seulement aux États-Unis, mais c'est rendu mondial. Effectivement, donc ça va être intéressant. Pascal, Lucan Dort a décidé de faire le saut. Est-ce que c'est vraiment une bonne décision cette année? On le voit en fin de première ronde. Les observateurs le voient en fin de première ronde. C'est toujours logique, hein? C'est que tu sais jamais si s'il connaît une mauvaise année, il peut reculer encore. C'est toujours un risque qu'on calcule. Ben, c'est un risque calculé parce que avec les nouveaux règlements d'année, ouais. Je pense même s'il signe avec un agent, il y a une date où il peut décider de retourner à l'université, pas perdre sa bourse et annuler son contrat avec son agent. Donc, on s'est quand même amélioré du côté universitaire pour donner une opportunité à un jeune de voir. Fait que moi, je vois l'opportunité à Lugans. Après un an, il a connu une saison assez spectaculaire. Physiquement, pour moi, il est prêt physiquement. C'est un athlète. C'est plus la question de position. T'sais, on parle souvent de position. C'est sûr que le basketball, tout ce qui est 5 pieds 5, 6 pieds 5, faut que tu sois capable de réussir des tirs de 3 points. C'est quelque chose qui doit continuer à améliorer. Mais il a connu une belle saison. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, sur les différents sites de repêchage, dépendamment de quel que tu regardes. Moi, celui que je trouve qui est le meilleur, c'est NBADraft.net. Ouais. Pendant la saison, Lugans apparaissait. Là, il n'est pas sur le site en ce moment. Oh. Mais okay. Ça va lui donner l'opportunité d'aller faire des entraînements, des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va prendre une décision s'il est deuxième ronde, milieu du deuxième ronde, est-ce qu'il est fin du premier ronde? T'sais, moi, je pense qu'un jeune qui a l'opportunité d'être repêché en première ronde, tu dois rester dans le draft puis partir. Okay. La simple raison, c'est que c'est un contrat garanti. Donc, pendant 3 ou 4 ans, on va travailler pour te développer s'il faut, mais on va te donner une opportunité. Puis je pense que Lugans a aussi l'option de retourner à l'université s'il n'aime pas ce qu'il entend des équipes de la NBA. Faut pas oublier son entraîneur à Arizona State, c'est Bobby Hurley. Bobby Hurley qui a joué dans la NBA. C'est Duke, ça. Ouais, c'est ça. Fait que Bobby Hurley a beaucoup de contacts. Fait que c'est sûr que avant de prendre sa décision, Lee Gaines a quand même parlé avec son entraîneur, avec plusieurs personnes pour voir. Puis aussi, l'équipe d'Arizona sera, selon moi, sera pas aussi forte l'année prochaine qu'ils étaient cette année. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise décision, puis on souhaite bonne chance à Lee Gaines. OK. Dis-moi, du coup, l'autre fois, j'écoutais le podcast de RDS, puis on demandait Zion Williamson, si on fait le classement des premiers choix là, depuis 2000, Zion Williamson, tu te classes dans le top 5? Absolument. Rapidement. T'as LeBron, c'est sûrement LeBron, mais après ça, tu sais. T'as LeBron, tu peux mettre Iverson. Kyrie Irving. Tu peux mettre Kyrie Irving, je veux dire. C'est des talents spéciaux. T'sais. Mais je te parle des premiers choix depuis 2000, des tout premiers choix, là. Bon, ouais, tu parles depuis 2000, tu parles de celui qui était repêché numéro 1, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on parle de moi, j'étais au repêchage en 2001. J'essaie de me souvenir c'était qui était le numéro 1. Moi j'ai assisté à celui de LeBron, donc LeBron était numéro 1, mais comme tu as dit, il y a des premiers LeBron, Kyrie, Iverson, c'est quand même assez, ils ont connu des carrières assez spectaculaires, mais je pense que Zion est facilement il est unique dans ce qu'il apporte physiquement au niveau de basketball. Là c'est sûr qu'on est capable de parler, est-ce qu'il peut prendre des tirs de 3 points? Est-ce qu'il peut... Tu sais, on analyse. Je me souviens quand Jordan était dans la NBA, on doutait de lui. Il y en a même qui disaient que numéro 3, c'était peut-être trop haut pour lui. Tu comprends ce que je veux dire par là? Je pense que Zach, tu sais, si on prend Anthony Bennett, ben il est même plus dans la NBA, là. Tu sais, fait qu'il y a quand même eu certaines erreurs depuis les années 2000 au niveau du premier choix. C'est le good fault, tu sais, également, qui lui aussi s'en va dans la fault, qui était avec les 76ers aussi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est un autre, ça, erreur, ça. Puis là, tu te rappelles pas du 2001, je suis très bien, tu t'en rappelles pas, c'est normal. C'est qui? Je pense qu'il n'a jamais joué dans la NBA, c'est Kawhi Brown, un pivot, par les Wizards de Washington. Kwame Brown. Ouais. Il a joué longtemps dans la NBA. C'était le repêchage de Michael Jordan, mais c'est pas. Je pense que le Zion va une meilleure carrière que OK. Kwame Brown, qui s'appelait. Kwame Brown, oui. C'était le premier choix que... Mais tu sais, je pense que le côté athlétique, le côté enthousiaste, le côté personnalité, le côté passion de jouer au basket, tout ça, là, Zion rentre dans ça, là. Tu sais, c'est pas LeBron James, mais c'est pas loin, là, en fonction de au niveau de n'importe quelle équipe qui va l'avoir, tu vas probablement finaliser tes ventes de billets de saison, puis tu vas finaliser son chandail va devenir probablement top 10 dans la NBA tout de suite, là. Zion, c'est une star en ce moment, puis je pense que ça va continuer. Il va probablement signer un contrat d'au-dessus de 100 millions avec une compagnie de souliers bientôt. Fait que regarde, je pense que non seulement je pense qu'il va être capable, comme LeBron ou Kyrie, de devenir un joueur qu'on s'attend qu'il devienne. Tu comprends ça? C'est pas facile, ça, là. Être le numéro un. Tu sais, LeBron James, depuis qu'il a 17, 16 ans, on parle que c'est le sauveur du basketball, mais il l'a presque été pendant 16 ans. Là, tu veux dire? Ouais, ouais. Je veux te parler des... on va parler des séries à partir de ce... On va être là toutes les semaines à partir de maintenant. Donc, parle-moi de ce qui s'est passé la série de Toronto et Orlando. Est-ce qu'il y a un certain piège? Je pense pas, mais les Raptors doivent finir ça rapidement pour chasser le doute un peu. Ça a jamais été facile du côté des Raptors, hein, en série. Ouais, mais moi, je pense qu'Orlando ne va même pas gagner un match. Non, ça va aller walk in the park? Moi j'irais 4-0, j'irais... c'est une série qui veulent démontrer à tout le monde qu'ils sont prêts à jouer. Je pense qu'Orlando, c'est une belle opportunité de... du côté d'Orlando, on est content d'avoir fait les séries. On n'était même pas sûr. Du côté de Toronto, on parle d'une finale NBA. Fait que c'est deux mondes. Puis je pense pas qu'Orlando a ce qu'il faut sur sept matchs-là. Est-ce qu'ils peuvent en gagner un? Peut-être à Orlando, mais je serais même surpris. OK. Puis là, Kawhi Leonard, on l'a ménagé pour ça, là. Ouais, non, là, il joue, là. Il va jouer, là. Quand Larry, on est en santé, on est prêt à commencer les séries. OK, puis, OK. Dis-moi, les autres séries qui pourraient être intéressantes, selon toi, est-ce qu'on peut parler des Celtics contre les Pacers? Ça, c'est probablement, dans l'Est, c'est probablement la meilleure série, hein? Ben ça, c'est intriguant pour moi. l'avantage que Boston a, Boston a perdu Marcus Smart, mais c'est pas la star. Ils peuvent gagner sans Marcus Smart, mais c'est quand même un joueur important pour Boston s'ils veulent se rendre en finale de l'Est. Mais Victor Oladipo avec Indiana, on a réussi à finir la saison à un haut niveau, puis c'est une belle équipe, on fait un beau travail, mais c'est quand même la star. Je sais pas si t'en souviens, l'année passée contre Cleveland, là, il y a eu des gros matchs là, de 30-35 points, puis il a fait une différence. Puis Indiana est capable de gagner un match. Je dirais que cette série-là sera pas aussi facile que Toronto-Orlando. Mm. Mais je pense que Boston devrait passer à travers Indiana, selon moi. OK. Dans l'Est, Milwaukee contre les Bucks. Les Bucks sont de Détroit, c'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être intéressant? Il n'y a pas de challenge non plus. Dans l'Ouest, Denver et San Antonio? Elle est tough parce que Greg Popovich et les Spurs dans les playoffs, ça va être tough, ça. Je pense que Denver, c'est leur saison de gagner en première ronde. Ils ont l'avantage du terrain. Mais les Spurs, cette série-là, là, Danny, là, j'aurais de la misère à gager parce que c'est Greg Popovich, puis c'est les Spurs. Mais Denver devrait gagner la série. OK. Ailleurs? Ben, où ça va être intéressant, Portland, qui est classé troisième, se retrouve, je pense, contre Oklahoma City. OK. Donc, Oklahoma City n'a pas l'avantage du terrain, mais moi, je pense qu'Oklahoma City va battre Portland facilement. Pourquoi? Parce qu'on a perdu Nurkic, une blessure terrible à la jambe, qui était le centre de Portland. Et puis Oklahoma City, ils sont capables, ils ont fini sixième, je ne me trompe pas, mais eux sont capables de se rendre en finale. C'est une équipe dangereuse ils ont un centre avec Adams, Paul George, on parle de lui dans les trois meilleurs, on parle de Giannis, James Harden, Paul George cette année pour le joueur de l'année, le MVP. Mm-hmm. Puis Russell Westbrook, c'est une machine. C'est sa troisième saison qui finit avec un triple doublé là, de moyenne. Moi, je pense que je vois même pas ça comme un upset. Là. Mm-hmm. Portland a connu une super saison, mais ils seront pas capables de battre Oklahoma City. OK. Il y a trop de séries pour qu'on analyse tout au complet. Puisque là, je voulais te parler également de l'actualité. L'actualité dans la NBA actuellement. Magic qui quitte le poste des Lakers. Surpris ou pas surpris? Ben, surpris de la façon que ça s'est fait, mais pas surpris parce que t'as un président, Danny, qui est pas présent, qui a plein de business, qui fait plein de choses. Moi, je me souviens quand j'étais à Détroit il y a quelques années, puis j'avais vu mon ancien coach Van Gundy, qui était président puis entraîneur. Écoute, il était épuisé, là, c'est beaucoup trop. Là. Ouais. Et Magic, c'est le président de notre organisation. Il est aussi là. Ouais, mais c'est une job à temps plein, que tu fais juste ça. Là. Magic, c'est Magic. Magic, copropriétaire des Dodgers, je pense que c'est les Starbucks, les cinémas. Il fait du mentoring au niveau d'affaires. Ouais. Puis il a dit qu'il ne s'amusait pas. Mais ton président de ton organisation doit faire ça à temps plein. Mm. C'est juste ça qu'il fait. Tu comprends-tu? Tu dois engager avec Masai Ujiri à Toronto, c'est juste ça qu'il fait. Mm. Il n'y a pas plein de choses. Là. Oui, il fait des affaires, mais sa job numéro un, qui prend 97% de son temps, c'est d'être président d'une organisation ou un directeur général. Là, tu as Magic, puis Rob Pelinka. Rob Pelinka, les gens ne savent pas c'est qui. C'est un agent, un des top agents NBA pendant des années. C'était l'agent de Kobe Bryant. Okay. Lui, il a passé d'agent d'athlète à directeur général. Mais c'est sa première année aussi. Mais c'est les deux, leur deuxième année. Mais c'est leur première fois. Fait que c'est des novices. Ils n'ont jamais fait ces emplois-là. Tu comprends? Fait que du côté... Est-ce que tu es là, Pascal? Allez, du côté des Lakers, on doit aller chercher gars comme David Griffin, un gars qui va juste faire ça. David Griffin, en passant, qui est l'ancien directeur général des Cavaliers avec LeBron James. Okay. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Los Angeles. Là, on va voir, est-ce qu'on garde Luke Walton? Il y a une autre année sous son contrat. Et aussi, est-ce qu'on garde Rob Pelinka comme directeur général? Et là, maintenant, Jenny Buss, elle ne peut pas se fier à personne d'autre. C'est elle qui doit prendre les décisions difficiles en ce moment. OK. C'est quand même dommage, parce que Magic, c'était l'image des Lakers. C'était l'image des Lakers. C'était juste pas quelque chose qu'il aurait dû faire. OK. Et en plus, il y a une relation d'amitié. Il appelle sa petite sœur, Jenny Buss. Il a grandi à la Saint-Louis Magic. Fait que c'est difficile quand tu quand t'as une relation comme ça avec des propriétaires, puis là t'es dans une position où tu peux te faire mettre dehors, c'est pas une bonne job. C'est déjà difficile un président ou un directeur général qui a pas, là c'est la côté amitié, c'est une job, là, tu l'engages. Fais ta job, si tu n'as pas ta job, on te met dehors. Tu comprends ça? Donc, Dwayne Wade qui a pris sa retraite, tu le considères dans l'histoire de la NBA, c'est probablement le meilleur joueur du Heat avec LeBron, c'est sûr. Tu le considères. Le meilleur joueur des points, ouais, par rapport à statistiquement, le meilleur compteur de l'histoire. C'est le meilleur Heat, selon moi, de l'histoire. On pourrait mettre LeBron deuxième, là, parce qu'il y a quand même trois championnats avec les Heat. LeBron, il y en a deux. C'est probablement moi, je le mets comme. Si je mets Jordan numéro 1 comme shooting guard, comme on dit, puis je mets Kobe numéro 2, je mettrais Wade numéro 3. Je pense que c'est lui qui a le plus de blocs statistiquement, équipe d'étoiles, équipe défensive, meilleur scoreur de la Ligue. C'est toute une carrière, ce qu'on appelle un joueur qui va faire le Hall of Fame, semble renommer à la première journée qui est ouais, exactement. Ouais. Dick Nowitzki également qui a pris sa retraite. Même chose. Et lui, même chose, hein. Est-ce que c'est le meilleur? On a parlé l'autre fois, c'est le meilleur européen de l'histoire. Hein? Ben moi, je dis que le prochain va être Luka Doncic, là. Porzingis, mais c'est dans l'histoire de la NBA, c'est absolument le meilleur joueur étranger que la NBA a vu. Là. On peut parler d'Hakeem Olajuwon, mais il a fait quoi? 21 saisons avec Dallas. Un championnat NBA avec Dallas. Ouais. Des saisons, 50 victoires après 50 victoires. Fait que c'est vraiment. D'être capable d'avoir été avec une organisation toute sa carrière, c'est phénoménal. Ouais. Mais Alan Juan, c'est un Africain. Es-tu là, Pascal? J'ai rien. OK. Pascal, on est en train de te perdre. Est-ce que tu es revenu? Oui, je suis là. Okay. C'est mon téléphone qui sonne. Ouais. Ce que je voulais te dire, c'est qu'Alan Juan, c'est un Africain, Alan Juan? Oui, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien, c'est ça. Oui. Pascal, gros merci. Au plaisir de se reparler. À compter d'aujourd'hui, cette semaine, on se parle toutes les semaines, faire le tour de la NBA, surtout la série entre les Raptors et le Magic d'Orlando. Exact. Ça commence samedi, puis on se parle la semaine prochaine. Notre ami Pascal Jobin,